Un petit peu en effet. On va se la refaire. C'est vrai que ça ressemble, hein. Je vais dédicacer à mon neveu Adrien. Je vais dédicacer à Adrien. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Avec Titi à la guitare. Dédicace à Adrien, à Philippe et à Fred. Nous sommes les héroïnes d'Henri Darger. Nous sommes comme des gasolines imaginaires. Au diable les autres, on oublie nos âmes. Page après page, la vie est notre histoire. Nous droits devant unis et sauvages. Au diable les autres, on oublie nos âmes. Comme des garçons, tout ça n'est pas de notre faute. Portez nos glaives pour qu'ils soient sains et saufs. Au diable nos fautes, on oublie sabre. Allez Titi. comme des gasolines imaginaires. Nous des martyrs, des nations, des messagères. Au diable, nos fautes, on oublie nos sabres. Nous sommes les héroïnes d'Henri Darger. Nous sommes comme des gasolines imaginaires. Page après page, la vie est notre histoire. Nous trois devant unis et sauvages. Comme des garçons, tout ça n'est pas de notre faute. Portez nos glaives pour qu'ils soient sains et saufs. Au diable, les autres. On oublie. Allez Titi, nos armes. Allez. Nous sommes les héroïnes d'Henri Darger. Nous sommes comme des gasolines imaginaires. Au diable, les autres. On oublie nos âmes. Allez, une dernière. Comme des garçons, tout ça n'est pas de notre faute. Portez nos glaives pour qu'ils soient sains et saufs. Au diable, les autres. On oublie quoi? Nos fautes. Allez, Titi. C'est Titi et la guitare. Mesdames et messieurs, Titi. De Chine, dédicace Adrien, Philippe, Fred. À bientôt. Et maintenant, c'est le. Enfin, elle arrive bientôt. Hein. Je vais aller me boire un petit verre de rouge. Hey, c'est génial ton truc à la guitare, là. Super. J'adore. Et je te le remets pour toi, tout seul. Thank you.

C'est vrai qu'on aurait pu faire un remix. Ouais, les secrets, ça coupe et ça donne. Oh non, oh non, mais faut que je m'ouvre sans fin. Tu veux là, elle me fait mal au cœur. Dans le serpent, chaloupe et console. Oh oh, faut que je m'ouvre. La mise à l'incendie, la sapée. Ça vire. Ah ah, il faut que je m'ouvre et ça je vois. S'il n'y a pas plaisir. La la la la la la la, mon bébé. Je ne veux pas t'abandonner, tu sais. Je ne veux pas nous achever. Pas que je veuille te nuire, il me faut prendre le frais, c'est vrai. Reviens près de moi, que je te le dise. Il faut que je m'ouvre, c'est ce qui fait du corps au cœur. Elle est si sûre à mes encournures. C'est comme ça. Allez, dernière, on chante. La la la la la la la la la la. À toi, Titi, ta guitare. La la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la. Ouais. Ça coupe et ça donne. Ouais. Sans fin du venin qui me fait mal au cœur. Il faut que j'y m'ouvre. Il faut que j'y m'ouvre. Ça coupe et ça donne. Faut que je m'ouvre, sans fin du vin qui me fait mal au cœur. Quand le serpent chaloupe et console. Oh, faut que je m'ouvre. Faut que je m'ouvre. La la la la la la la, mon bébé. La pizza, un petit verre de rouge. Bon, on va arrêter là. Bonsoir Paris. Bonsoir Paris, bonsoir Titi. Ouais, tu vas bien nous faire un remix. Titi, tu vas nous faire un remix Indochine, Rita Mitsuko, solo. Ouais, cette fois j'y vais, salut, bye, bonne soirée, bonjour chez toi.